Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à FrenchPod. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon avancée. Je m'appelle Amaury. Et je suis Marion. Salut Marion. Bonjour Amaury, comment ça va? Je suis très content. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va se retrouver sur mes terres, dans mon pays natal, la Belgique. D'accord. Et qui dit Belgique dit... Frites. C'est vrai. Donc, on va assister à une conversation qui se déroule devant une baraque à frites. Il y en a vraiment partout en Belgique. Une baraque à frites, donc? Une friterie, un endroit où on vend des frites. Et d'autres choses. C'est ce qu'on va voir dans le dialogue. Donc, il y a beaucoup d'expressions qu'on appelle des belgicismes, donc des expressions belges. Faites bien attention durant le dialogue et nous, on revient juste après pour les expliquer. Allons-y. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que je vous sers une fois? Je ne sais pas trop, je n'ai que l'embarras du choix. Qu'est-ce que vous me conseillez? Oh, des chicons, t'es dans une baraque à frites. Pourquoi pas une fricadelle et un paquet de frites une fois? Elles sont bonnes. Les frites belges, ce sont les meilleures. Tout ce qu'on te raconte avec ces histoires de French fries, c'est des carabistouilles. Et chez Monaken, tu trouves les meilleures frites de tout Bruxelles. Va pour une fricadelle et un paquet de frites alors. On voit que tu n'es pas d'ici. Je suis suisse. T'es bien mimi, sans indiscrétion. Ça te fait quel âge? J'ai 18 ans. Tu es né en 91 alors? Comme mon fils. Excuse-moi, c'est mon GSM. Allô? Dis-moi quoi? Mais fais vite, je suis au travail. Tu viens toujours souper ce soir? Parfait, à tantôt. J'ai rendez-vous à la Grand Place. Vous savez si c'est loin? S'il vous plaît. On est loin de la Grand Place? Nenni un. 10 minutes à pied, c'est toujours tout droit. Voilà ta commande, ça fait 3 euros. Merci. Allez, on se fait une baise une fois. Et dépêche-toi, va bientôt dracher. Alors, je sais pas si même une personne qui est française pourrait comprendre tout ce dialogue. Moi, il y a quelques expressions que je connais pas. On va voir ça tout de suite. Donc on a le vendeur qui travaille dans cette baraque à frites, qui accueille cette jeune demoiselle, et qui lui dit « qu'est-ce que je vous sers une fois ?» Une fois, oui. Et donc ce « une fois », c'est quelque chose qu'on ne retrouverait pas en français. Non, on n'est jamais en français, non. En fait, on a une partie de la Belgique qui parle néerlandais au nord et on a les francophones au sud, mais c'est une expression qui vient du néerlandais et qui a été traduite simplement en français. C'est pour ça qu'on la retrouve prononcée par les Belges, qui est vraiment un pur belgicisme, qui est vraiment typique de la Belgique, qu'on ajoute, mais qui ne signifie rien concrètement. Et qui se retrouve qu'à l'oral ou également à l'écrit? Qu'à l'oral. Qu'à l'oral. Lorsqu'on écrit un beau texte, on n'est pas censé mettre une fois dedans. Je savais pas. Alors, comme tu as dit, dans les friteries, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement des frites. Heureusement, tant qu'à faire. Donc, c'est un endroit où on peut acheter des hamburgers, des saucisses. Et donc, il y a beaucoup de choix. Et elle dit... Je n'ai que l'embarras du choix. Donc là, on a une expression vraiment française. N'avoir que l'embarras du choix, qui veut dire qu'il y a tellement de choix que le seul problème, la seule difficulté que vous puissiez rencontrer, ce serait de choisir. Donc elle a besoin d'un conseil. Pour le vendeur, ça saute aux yeux, elle devrait prendre des frites. Et c'est là qu'il dit, et pas des chicons. Donc des chicons, je sais pas si c'est un mot qui existe en français. Non, j'avais jamais entendu. Donc c'est vraiment propre aussi à la Belgique. Des chicons, ce sont des endives. Ce légume, évidemment, qu'on ne retrouvera jamais dans une baraque à frites. Ce n'est pas vraiment des légumes, ce n'est pas quelque chose de diététique qu'on retrouve dans les baraques à frites. À partir du moment où c'est frit, de toute façon, voilà, c'est jamais très sain. C'est gras. Donc pour accompagner les frites, même le vendeur dit pour accompagner un paquet de frites, c'est comme ça qu'on propose une portion de frites en Belgique. Oui, en français, on dirait plutôt une barquette de frites. Ok. Ou directement une frite. Tout simplement. En disant une grande frite, une moyenne frite, une petite pour la taille. D'accord. Donc avec le paquet de frites, il lui conseille une fricadelle. Une fricadelle, c'est simplement le nom pour une sorte de saucisse. Qui est vraiment une spécialité dans les baraques à frites, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Et là, elle a quand même posé une question. Qui montre qu'elle est un peu sceptique. Elle demande si elles sont bonnes. Alors le vendeur ne peut que s'exclamer que les frites belges sont les meilleures. Et qu'on ne comprend pas en Belgique pourquoi les frites, par exemple aux États-Unis, s'appellent French fries. Puisque nous sommes persuadés que les frites sont une spécialité, on va dire, de la Belgique. Et que même... Elles sont censées être les meilleures en Belgique. Soit t'es sceptique. Non, pas du tout. Je pensais à l'origine justement des frites. Et il me semble me souvenir que c'est en Belgique où il y avait une fête où on célébrait, une fête qui se célébrait en général en faisant frire des petits poissons. Ouais. Et un jour, le jour de cette fête, la pêche avait été désastreuse. Donc il n'y avait pas eu assez de poissons pour célébrer, selon la tradition, cette fête. Ouais. Et les gens avaient pris en fait des morceaux de pommes de terre qu'ils avaient coupés en forme de poisson. Ouais. Donc en forme de frites. pour remplacer le poisson. Et finalement, c'est là que la frite a été créée. Ok. La pomme de terre frite. Ah, je connaissais pas cette explication. Enfin, je dis ça, mais c'est des carabistouilles. Hein. C'est quoi une carabistouille? Bah, t'as de me le dire, toi qui es belge. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Quelque chose qui est erroné, quelque chose qui est faux. En français, des sornettes, balivernes. Et c'est là que le vendeur dit qu'il fait les meilleures frites de Bruxelles et où il les fait chez Manneken, qui est le nom de la baraque à frites. Et pourquoi la friterie s'appelle Manneken? Parce que à Bruxelles, ce Manneken est une petite statue qui est très connue et qui est un des emblèmes de la ville. Et donc c'est simplement la statue d'un petit garçon qui est en train de faire pipi. Et ça ramène énormément de touristes, il y a plein de gens qui viennent voir cette statue. Et moi ça m'a toujours un peu étonné parce que cette statue, ça elle est vraiment toute petite, c'est un truc qui fait 80 cm de haut. Mais c'est une fontaine aussi ou... Ouais, ouais c'est une ouais, fontaine ouais. Quelque part, ouais. Et ça ramène beaucoup de monde. Ouais, donc elle se laisse tenter et dit... Va pour une fricadelle et un paquet de frites. Donc on retrouve l'expression va pour, ça veut dire c'est parti pour une fricadelle, mais c'est pas vraiment un belgicisme, parce que c'est une expression qu'on utilise aussi en France. Et donc là on découvre que la charmante personne est suisse, donc c'est pour ça qu'elle parle un peu lentement. Voilà. Puisque là aussi aujourd'hui dans ce podcast on parle un peu des stéréotypes, comme la personne avec l'accent belge roule les R, tandis que la façon en français de caractériser l'accent suisse... C'est un accent un peu traînant et chantant. La vie est belle, on va pas se presser. Voilà. Et donc elle est suisse, et en plus elle est Mimi. Alors Mimi n'est pas un mot réel en fait. Non, ils ont repris la première syllabe du mot mignonne. Voilà. Et répété en deux fois, je pense. On peut dire qu'un mec est Mimi aussi? Bah un petit garçon peut-être, mais... Enfin, je pense aux bébés, aux jeunes. Donc là, il va lui poser une question très directe, parce que ça, c'est un autre aspect des Belges. Les Belges sont des gens qui sont plus directs généralement dans leur façon de parler. Et donc il dit « sans indiscrétion ». Donc sans vouloir être indiscret. Ça te fait quel âge? Une autre façon de dire quel âge as-tu? Ouais, tout à fait. Qu'on retrouve aussi en français. Et donc, cette fille a 18 ans. Et là, le vendeur fait le calcul. Et donc, elle est née en 91. En 91. Je traduis. Alors, lorsqu'on parle des chiffres, c'est vraiment une des différences majeures entre le langage pratiqué en Belgique et en France. C'est pourquoi on va s'attarder dessus juste à la fin du podcast. Et on vous dira quelles sont ces différences. Donc après avoir découvert qu'elle était née en 91, il a son GSM qui sonne. Dans son téléphone portable. En Belgique, on a ces trois initiales, ces trois lettres GSM. Et alors en Belgique, on peut entendre GSM ou bien les gens disent G aussi. G? Ouais, simplement la première lettre. Ok. C'est mon G. Alors, il est au téléphone avec un ami. Et donc au début de la conversation, il demande à cet ami, dis-moi quoi. Allô, dis-moi quoi. Et ça aussi, c'est une expression qui est utilisée seulement en Belgique. En ouais. France, si on dit ça, ça fait vraiment campagnard ou un peu démodé. Ouais. On l'utilise jamais. Tout à fait. Ou bien si on dit « dis-moi quoi », vous avez envie de répondre « quoi ?» Et ça veut dire « dis-moi ce que tu as à me dire ». Dis-moi tout. Donc le vendeur de frites veut toujours savoir si son ami va venir souper ce soir. Dîner. En France, le repas du matin est le petit déjeuner, ensuite à midi le déjeuner, et évidemment le dîner le soir. Tandis qu'en Belgique, on a le déjeuner le matin, le dîner le midi et le souper le soir. Ouais, c'est à s'y perdre. C'est un peu compliqué. Mais on dirait que l'ami pourra quand même bien venir. Donc il est content, il lui dit à tantôt pour lui dire à tout à l'heure. Et donc une fois la conversation finie, cette jeune fille suisse demande un renseignement au vendeur, puisqu'elle a rendez-vous à la Grand Place. Donc la Grand Place, c'est la fameuse Grand Place de Bruxelles. Où il y a le petit Manneken. Juste à côté, c'est vrai, qui est à 50 mètres. La statue du Manneken est à 50 mètres de la Grand Place. Et là, malheureusement, le vendeur n'a pas entendu. Il doit déjà être occupé à préparer son paquet de frites et sa fricadelle. Et il dit, s'il vous plaît, qui est aussi quelque chose qui n'est pas ou pas du tout utilisé en français, je sais pas. Pas du tout, non. Non, pas du tout, pas dans ce sens-là, en fait. Bon, évidemment, s'il vous plaît existe en français, formule de politesse, mais ici, c'est lorsque l'on n'a pas entendu quelque chose, un Belge pourrait vous demander s'il vous plaît, pour vous demander simplement de répéter. De dire pardon ou excusez-moi. Exactement, ouais. Donc, la Suisse répète la question. Ouais, et là, encore une fois, il emploie une formule typique qui est « Neni un », ça veut dire « Non ». Puisque la Grand Place n'est pas loin. Donc voilà, la jeune fille a son renseignement, elle reçoit sa commande également. Et alors après, c'est le moment des adieux, et le vendeur lui dit « Allez, on se fait une baise une fois ». Qui veut dire « On se fait une bise, on s'embrasse ». Tout simplement, ouais. Voilà, et toujours que c'est une fois qui est rajoutée. Et donc, il est vraiment gentil, lui dit de se dépêcher, parce qu'il va bientôt dracher. Qui a bientôt pleuvoir. Exactement. Voilà, maintenant il est temps de réécouter ce dialogue et toutes ces expressions belges. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que je vous sers une fois? Je ne sais pas trop, je n'ai que l'embarras du choix. Qu'est-ce que vous me conseillez? Dans des chicons. T'es dans une baraque à frites. Pourquoi pas une fricadelle et un paquet de frites une fois? Elles sont bonnes. Les frites belges, ce sont les meilleures. Tout ce qu'on te raconte avec ces histoires de French fries, c'est des carabistouilles. Et chez Monaken, tu trouves les meilleures frites de tout Bruxelles. Va pour une fricadelle et un paquet de frites alors. On voit que tu n'es pas d'ici. Je suis suisse. T'es bien Mimi. Sans indiscrétion, ça te fait quel âge? J'ai 18 ans. Tu es né en 91 alors? Comme mon fils. Excuse-moi, c'est mon GSM. Allô? Dis-moi quoi? Mais fais vite, je suis au travail. Tu viens toujours souper ce soir? Parfait, à tantôt. J'ai rendez-vous à la Grand Place. Vous savez si c'est loin? S'il vous plaît. On est loin de la Grand Place. Nenni un. 10 minutes à pied, c'est toujours tout droit. Voilà ta commande, ça fait 3 euros. Merci. Allez, on se fait une baise une fois. Et dépêche-toi, va bientôt dracher. Donc il y a quelques points qui sont vraiment encore à expliquer un peu plus en profondeur. D'abord, dans la première phrase du dialogue, il s'adresse à la Suisse en disant « vous », qui est évidemment la formule de politesse normale quand on ne connaît pas quelqu'un, spécialement si on est dans le caractère d'une vente ou dans une relation clientèle. Voilà, ouais. Mais après, déjà à la seconde phrase, il va lui dire « t'es dans une baraque à frites » et après, pendant tout le dialogue, il va s'adresser avec le « tu ». Pourquoi? C'est parce qu'en Belgique, on utilise moins fréquemment le « vous » qu'en France. Les Belges utilisent le tutoiement beaucoup plus qu'en France, ce qui fait que ça leur donne une façon d'être un peu plus simple, plus direct avec les personnes. Plus informel. Voilà, exactement, c'est plus informel. Et aussi, ça vient, comme je disais au départ, du néerlandais qui est parlé au nord de la Belgique. Ah, ok. Ouais. Et les Belges francophones font plus ou moins la même chose. Comme on avait vu que le « une fois » venait des Belges néerlandophones. Et alors aussi, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait les fameuses différences entre les chiffres. Oui. Alors, ça va, on a de la chance, puisque les 69 premiers chiffres sont pareils. Mm-hmm. Mais c'est quand on arrive... Ah, 70. Voilà, exactement. Tu le connais, Marion. C'est 70 qui est l'équivalent de 70. Et qui est une façon un peu plus logique, au bout du compte, de compter. Ce serait peut-être plus facile en français s'il y avait ce 70 au lieu du 70. Le fait est qu'en Belgique, personne n'emploie le 70. Tout le monde emploie le 70. Et donc ensuite, ça fait 71, 72, 73, 74. C'est logique. Et quand on passe à 80? Par contre, à 80, en Belgique, c'est la même chose. On a aussi 80. Contrairement à cette jeune personne qui est suisse ici dans le dialogue, si elle devait prononcer 80, elle dirait 80. Parce que les Suisses utilisent 80 et pas les Belges? Exactement, ouais. Ah, d'accord. Elle dirait 80 ou 80, mais 80 est beaucoup plus employé en Suisse. Ce n'est pas des choses qui ont été inventées par les Belges ou les Suisses, ça existait déjà dans le français auparavant, mais ça a évolué dans le français parlé en France. Ces formules ont été conservées en Belgique, en Suisse. Et alors on arrive à la décennie supérieure, qui est 90 en France ou... 90. En Belgique et en Suisse. Et pour cent. Et bon. On est au même. Donc on dit bien 60, 70... 80, 90, 100 en Belgique, ou 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 en Suisse. Et voilà, la dernière chose, c'est quand le vendeur fait la bise à la fin. C'est pour dire que généralement, encore une fois, les Belges, par rapport à mon expérience que j'ai vue par aux Français, sont plus directs, de façon un peu plus simple. Plus chaleureux. On se laisse aller un peu plus facilement, quoi, en fait. C'est une raison de plus pour aller visiter Bruxelles. Les Français disent Bruxelles, mais Bruxelles se dit Bruxelles. Oui, c'est vrai. Voilà, une leçon qui nous a permis de découvrir les différences linguistiques et culturelles entre la Belgique, la France et également la Suisse. Qui sont trois pays voisins. Ouais. Maintenant, si vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas, venez sur la page de discussion et on sera un plaisir d'y répondre. Merci, à la prochaine. À tantôt.